بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات لهذا الدرس التاسع عشر Bienvenue aux frères et sœurs pour ce 19e cours في تفسير كتاب الله تعالى dans l'exégèse du livre d'Allah le Très-Haut وقد وصلنا إلى قول الله تعالى إنه لقول رسول كريم. Nous sommes certes arrivés à la parole d'Allah lorsqu'il dit إنه لقول رسول كريم. Certes, ceci est la parole d'un noble messager. ذي قوة عند ذي العرش مكين. Possesseur d'une force et ayant un haut rang auprès du détenteur de l'arche. Muta'in thamma amin. Obéi là-bas et digne de confiance. Qulna inna ar-rasul al-murad bi fi hadhihi al-aya huwa Jibril. Fa wasafahu Allah ta'ala bi annahu dhu quwwa. Nous avons dit que le messager qui est voulu dans ce verset, c'est Jibril. Et certes, nous avons vu que Allah Ta'ala l'a décrit comme étant le détenteur d'une force. Fa'atahu Allah Ta'ala quwwatan lil-qiyami bi-awamirihi. Et donc Allah Ta'ala lui a accordé une force lui permettant d'accomplir ses ordres. 'Inda dhil-'arshi makin, 'inda dhil-'arshi, auprès de du détenteur de l'arche. Aïe, indallah, c'est-à-dire auprès d'Allah. Mekin. Mekin. Aïe. Anna Jibril. Zou mekena wa sharaf. C'est-à-dire que Jibril, il a un haut rang. Et donc, une certaine grandeur. L'hiver khassahu Allahu ta'ala. بهذه المهمة العالية التي هي أعظم نعمة أنعم الله بها علينا. Et c'est pour cela que Allah lui a confié la tâche spécifiquement, lui a confié à lui spécifiquement d'accomplir cette tâche si importante, qui est en réalité le plus grand bienfait que Allah nous ait accordé. وهو هذا القرآن الذي يحيي الله به القلوب. Et c'est le Coran par lequel Allah donne vie au cœur. Allah le Très-Haut qui dit: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ. Ô vous qui avez eu la foi. Répondez à l'appel d'Allah et de son messager lorsqu'il vous appelle pour ceux qui vous donnent la vie. Ceux qui vous donnent la vie du cœur, l'islam. Muta'in thamma amin. Obéis là-bas et digne de confiance. Fal mala'ika tuti'u Jibril. Et donc les anges obéissent à Jibril. وهو أمين على وحي الله تعالى ورسالته إلى أنبيائه. Et donc Jibril, il est digne de confiance concernant la révélation d'Allah le Très-Haut et son message transmis aux prophètes. فلما فرغ الله تعالى من الكلام على الرسول الملكي تكلم فيما يتعلق بالرسول البشري. Et donc lorsque Allah Ta'ala il a fini d'aborder le sujet concernant le messager parmi les anges, il a alors abordé le sujet lié au messager parmi les hommes. Il a dit: Wa ma sahibukum bimajnun. Certes votre compagnon n'est pas fou. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Certes il l'a vu à l'horizon clair. Wa ma huwa 'ala al-ghayb bidanin. Et certes, il ne garde pas avarement la révélation qui lui est faite. wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim. Et ce n'est pas la parole du diable, ce n'est pas la parole d'un diable banni. Fa ayna tadhhabun in huwa illa dhikrun lil alamin. Où allez-vous donc? Ce n'est certes qu'un rappel pour l'univers. Liman sha'a minkum an yastaqim. Pour celui d'entre vous qui veut suivre la droiture. Wa ma sahibukum bimajnun. Votre compagnon n'est pas fou. Ici, le terme compagnon a été utilisé. Fa Allah ta'ala yukhbiru ahla Makkah أن هذا الرسول الذي عاش معهم أربعين سنة قبل نبوته فعلموا صدقه فأخبرهم الله تعالى بأن هذا الرسول ليس بمجنون وأن هذا الكلام هو كلام الله حقيقة. Et donc Allah le Très-Haut, il informe les gens de la Mecque que ce prophète, ce messager qui a vécu avec eux 40 ans avant la prophétie. Ils ont connu son caractère véridique. Allah, il leur informe donc que ce messager n'est pas fou et que cette parole est en réalité la parole d'Allah, le Très-Haut. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Et certes, il l'a vu à l'horizon. Il l'a vu à l'horizon clair. Fa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ra'a Jibril 'ala suratihi allati khalaqahu Allah 'alayha. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Jibril sous sa forme sous laquelle Allah l'a créé. Wa ma huwa 'ala al-ghaybi bidanin. Et il n'est pas avare concernant la révélation qui lui est faite. C'est ce qui est voulu par al-ghayb, c'est la révélation qui est faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبخل بالقرآن بل اجتهد في تبليغه. Le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas été avare concernant le Coran. Il n'a rien gardé pour lui, mais au contraire, il s'est efforcé de le transmettre. وقرئ بظنين. Il a été aussi récité بظنين et non pas بظنين. Et la signification بظنين, المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمتهم في تبليغ الوحي. بظنين, c'est-à-dire que le prophète صلى الله عليه وسلم, il n'est pas soupçonné de quoi que ce soit concernant la transmission de la révélation. Et donc le prophète, il n'est pas soupçonné de quoi que ce soit concernant la transmission de la révélation. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, il n'a rien gardé de la révélation pour lui. Fatalibul ilm yanbaghi lahu an yajtahid. L'étudiant, il doit s'efforcer de transmettre ce qu'il a appris. La yatakasal, ne fais pas preuve de fainéantise, de ne pas transmettre. Non, transmets ce que tu as appris, ce que tu as étudié auprès de ahli al-ilm. C'est une amana, c'est un dépôt, il faut que tu le transmettes. Efforce-toi. Si tu dois donner cours tous les jours, tu donnes cours tous les jours. C'est un dépôt, une responsabilité. Allah Ta'ala qui dit wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim. Ce n'est pas la parole d'un diable banni. Fa hadha al-Qur'an laysa huwa min qawli al-kahana alladhina akhadhu kalamahum min ash-shayatin. Et donc ce Qur'an, ce n'est pas la parole des voyants qui eux-mêmes ont tiré leur parole des diables. C'est la parole d'Allah le Très-Haut. Allah dit ensuite, fa ayna tadhhabun, où allez-vous donc? C'est-à-dire, ayna dhahabat uquluhum, où sont passées vos raisons? Ne raisonnez-vous donc pas? Ala tumayyizuna bayna kalam rabbil alamin الذي هو أصدق الحديث وبين كلام الكهنة الذين هو الذي هو من أكذب الكلام. Ne faites-vous donc pas la différence entre la parole du Seigneur des mondes, qui est la parole la plus véridique, et la parole des sorciers, qui fait partie des paroles les plus mensongères? Est-ce que vous ne faites pas la différence entre ces deux? Où sont passées vos raisons? Allah Ta'ala qui dit ensuite, In huwa illa dhikrun lil alamin. Certes, ce n'est qu'un rappel pour les mondes, pour l'univers. Yatadhakkarun bihi wa yantafi'un bihi. Et donc ils vont se rappeler. Utiliser ces paroles comme rappel et profiter de ces paroles. Yata'allamuna ma yadurruhum. Enseignent, ils vont apprendre ce qui leur fait du tort, wa ma yanfa'uhum, et ce qui leur est profitable. Liman sha'a minkum an yastaqim. Pour celui d'entre vous qui veut suivre la droiture. Fa hadha al-Qur'an yantafi'u bihi man sha'a al-istiqama. Et donc ce Coran, celui qui va en profiter, c'est celui qui veut suivre la droiture. Fafi hadhihi al-aya ithbatu al-mashi'a lil-'abd. Il y a dans ce verset le fait d'affirmer que le serviteur a une volonté. Fa al-'abdu lahu mashi'a, le serviteur, il a certes une volonté. Fa ma yaf'aluhu yaf'aluhu bi-ikhtiyarihi. Ce que le serviteur il fait par sa propre volonté. فَلَوْ أَنَّ الْعِبَادَ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ مَشِيئَةٌ لَمْ يَكُنْ فِي إِرْسَالِ الرُّسُلِ مَعْنَى لِأَنَّ النَّاسَ فِي الْأَخِيرِ كُلُّهُمْ مَجْبُورٌ لَيْسَ لَهُمْ إِخْتِيَارٌ أَلَا زَعْمِكُمْ فِي مَعْصِيَةِ أَمْرِ الرَّسُولِ. Et certes, si on suivait la parole des égarés, qui disent que les êtres humains sont forcés, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix dans ce qu'ils font. Alors à ce moment-là, il n'y a pas d'utilité à envoyer des messagers. Puisque de toute façon, même si les messagers sont envoyés, les gens, ils n'ont pas le choix quant au fait d'obéir ou de désobéir. Tout ce qu'ils feront ne dépend pas d'eux. Et donc, elle est où l'utilité d'envoyer les messagers? Et donc, Al-Haqqo. Allah Ta'ala a'ta lil'abd mashi'atan. Et donc la vérité est que Allah Ta'ala a accordé au serviteur une volonté. Fala yastati'una an yahtajju bil qadar. Et donc les serviteurs ne peuvent pas après cela argumenter et citer le destin comme prétexte. Comme prétexte pour leur désobéissance. وَمَعْذَلِكَ سَيُحَاوِلُ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ الْإِحْتِجَاجَ بِالْقَدَرِ. Et malgré cela, certains polythéistes, ils essaieront au jour de la résurrection, ils essaieront d'utiliser le destin comme prétexte. Allah Ta'ala qui dit, سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا أَبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا. Ceux qui ont fait du polythéisme, ils diront, si Allah voulait, nous n'aurions pas fait de polythéisme. Et nos parents non plus. Et nous n'aurions rien d'interdit de légiférer. Et certes, de cette même façon, on démentit les peuples d'avant eux, jusqu'à ce qu'ils goûtent notre punition. فهذا القرآن ينتفع به من يريد الاستقامة. Et donc ce Coran, ce sont ceux qui veulent suivre la droiture qui vont en profiter. والاستقامة وسط بين الإفراط والتفريط. Et la droiture, c'est le juste milieu entre l'exagération et la négligence. فَجَمِيعُ الْفِرَقِ الضَّلَّةِ ابْتَعَدَتْ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ بِحَسْبِ ابْتِعَادِهَا عَنْ هَذَا الْقُرْآنِ. Et donc, tous les groupes égarés, toutes les sectes égarées, se sont éloignés de la voie de rectitude en fonction de leur éloignement du Coran. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكَ الْعُنْفِ وَالْغُلُوِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ. Parmi les gens, il y a ceux qui ont utilisé, qui ont emprunté la voie de la dureté et de l'exagération. Tu les vois tout le temps dans la dureté. Tout le temps dans la dureté ou dans une dureté mal placée. Des mises en garde sans raison. Tu ne comprends pas pourquoi. L'exagération. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les exagérateurs sont dans la perdition. Les exagérateurs sont dans la perdition. Et parmi les gens, il y a ceux qui ont emprunté la voie de la négligence. Et c'est Allah le Très-Haut qui dit, « Ya ayyuhalladina amanu, udkhulu fis silmi kaffa, wa la tattabi'u khutuwati shaytan, innahu lakum aduwwun mubin. » Oh, vous qui avez cru, rentrez pleinement dans la religion. Pleinement, il n'y a pas de négligence. Tu rentres pleinement dans la religion. Et ne suivez pas les traces du diable. Il est certes pour vous un ennemi déclaré. فَعَلَيْنَا أَنْ نَلْزَمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ الَّذِي هُوَ الْوَسَطَ. Nous devons donc suivre la voie de rectitude qui est le juste milieu. وَهَذَا الْمَنْهَجَ الْمُسْتَقِيمَ بَيَّنَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فَعَلَيْنَا بِهِ. Et certes, cette voie de droiture, Allah l'a montré clairement dans son Coran. Nous devons donc lire ce Coran, ô mes frères. Comment peux-tu connaître la voie de rectitude si tu ne médites pas sur la parole d'Allah, le Très-Haut? ثُمَّ خَتَمَ اللَّهُ هَذِهِ السُّورَةِ. Ensuite, Allah, il a fini cette sourate par sa parole. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ. Et vous ne pouvez vouloir que si Allah, le Seigneur des mondes, le veut. فَمَشِئَةُ الْعَبْدِ ثَابِتَةٌ تَابِعَةٌ لِمَشِئَةِ اللَّهِ تَعَالَى. Et donc, la volonté que Allah a accordée au serviteur, elle est affirmée et concrète. Et elle dépend de la volonté d'Allah le Très-Haut. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder une bonne compréhension de sa religion et de son livre, il est certes capable de toutes choses. On continue demain, Inch'Allah Ta'ala, et on demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la réussite, il est certes capable de toutes choses. Demain, donc, on fera Surat Al-Infitar. Waffaq Allahu al-Jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.